Bilan 7, page 178. Exercice 1. A. Port. Bord. B. Temps. Dans. C. Père. Père. D. Coup. Goût. E. Tiens. Tiens.